regarde ses ailes bosser et nous pondre aux kilomètres de musique. Et puis des textes plutôt pas mal agencés. Et puis le tout enrobé dans des atours séducteurs de gentils riffs accrocheurs. De quoi c'est sûr bien plaire à tout un tas d'auditeurs. Je ne sais pas où tout cela finira par nous conduire. Vers un mur où on y a les dents, qui le sait, qui peut le dire. Et en attendant encore, je ponds de crocs à tout va. Je cherche les failles, mais bien, et j'emmène ces petits neurones électroniques vers un avenir étrange. Et je suis à tout seul dans cette course effrénée au résultat incertain.